Les halogènes ont su rester simples. Et ils savent bien à qui ils doivent leur grand succès mondial. Aussi chantent-ils, pour toujours, la gloire des grands bousiers.